petit ménage, tirer les marées claires. On va être un bon monsieur, c'est ça qui fait comme moi, pas j'en content. Moi, gagne un petit ménage, tirer les marées claires. On va être un bon monsieur, c'est ça qui fait comme moi, pas j'en content. Ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau bébé caboulé. Monsieur Fanta Wessa, ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau bébé caboulé. Maman, ton vieux grand monde qui gagne mauvais manière. Moi, pas fait ni confiance, il retourne, c'est la mer. Grand monde remet du tabac, grand monde remet du café. Quand mon rêve est mon pédel, m'a chargé pour la planète. Ma vie clagérie, elle se baille maman satisfaction. Oh, j'en connais maman, rêve. La chef est qu'un contagieux. Aïe, ma vie tout la marie, elle se baille maman satisfaction. Ma vie tout la marie, la chef est qu'un contagieux. Ma vie tout la marie, elle se baille maman satisfaction. Si la foule dans le côté de mon homme, regardez. Qui parle ça? Il y a des petits pas chers, vous dites. En plus, il manque deux petits dents devant. Regardez, grand monde. Regardez, non? Grand monde, on connaît chaque jacques douleur. Rien ou pas bon. Moi, je vais un petit boléo pour. Un petit bagaille douce qui peut permettre de vaciller tes cadavres. Vous comprenez moi? Absurdité, l'inconduite, absurdité, mais l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite. Hey, gamon. Ah, regardez non, combat gars qui pourrait jouer là. regardez non, c'est mettre corps sur côté, attendez. Pas jeune gens avec jeune fille pour embaucher. Parce que rit ça me pas croque ca kembil. Malé! Son autre bagaille seulement au moins des saucisses parce que la joue qui t'almanac longtemps. Ce n'est pas tout pour des patils pour prendre mon jeune garçon. Parce que le pas pour vous. Attends, regardez, dis jeune homme, non. Regardez, mettez vos chines dans les oreilles, dis grand monde, non. Tendez ça, le dis-le, tendez. Chérie, alors c'est jalousie, ça fait rire. Chérie, combien a-t-il de caoutchouc pompon qui a été usé votre jardin? Tant de questions pour qu'ils puissent arriver, posons grand monde. On va dire ça.